Peut-être qu'on peut, pour terminer, faire un petit résumé de la journée à venir. Antoine, je ne sais pas si tu as le programme sous les yeux. Précisément, alors de 17h à 17h30, il y aura une méditation estonienne par les élèves de flûte de la classe de du Conservatoire populaire. Et ce sera donc de 17h à 17h30 des œuvres de Joseph Bodin, de Bois Mortier, Arvo Pärt, Roxana Panoufnik et une création collective. À 19h, dans la salle des Pas Perdus, on entendra Sarah Ennis. Et donc une pièce pour vibraphone et clochette jouée par le public. Ensuite, il y aura le concert de l'ensemble contre-chant avec Lin Liao, Ilya Komarov et les étudiants de la Haute École de Musique de Genève qui joueront des pièces de Anahita Abbasi, Jesse Cox et Galina Utsvolskaya. Et ce sera à 19h, non à 20h, de 20h à 21h30. Et à 22h30, dans le salon d'écoute, Thomas Unkersmith qui va faire un live et une pièce de Ivan Tcherepnin. Voilà, et tout ça pour commémorer les 50 ans de l'anniversaire du synthétiseur Serge qui a été inventé par Serge Tcherepnin, donc le frère de Ivan. Et puis, nous ne l'avons pas dit, mais à midi, dans le salon d'écoute, pour le partage d'écoute, nous écouterons Madeleine Leclerc du MEG, donc Musée d'ethnographie de Genève, qui viendra pour une sorte de conférence et d'écoute autour de du sujet où, intitulé « Bruit de fond et bruit de la bande ». Donc Madeleine Leclerc était déjà venue l'année passée faire un salon d'écoute et aussi était venue à Archi Radio pour une interview menée par Rudy De Solière. Et donc là, on va la retrouver une fois de plus. Donc on se réjouit de l'écouter. Voilà. Mais donc si vous voulez en écouter plus autour de son travail, vous pouvez aller dans les archives d'Archi Radio 2022. Voilà. Et je ne sais pas, Rudy, où est-ce qu'on en est là-haut au salon d'écoute? Est-ce qu'ils sont prêts et prêtes ou pas encore? Alors, en tout cas, ils ne sont jamais prêts avant l'heure, puisqu'on est en avance. Oh là là. D'autant plus que je ne sais pas s'ils seront prêts à midi. Donc, on a encore 2 minutes pour papoter. D'ailleurs, pour rappeler qu'il y a aussi des installations à voir ici, dans la maison communale, toute l'après-midi. Hein, puisque vous pouvez venir voir Jérémy, vous pouvez venir voir Attila. Mais il y a aussi donc, les installations de Pierre Bastien qu'on a reçues tout à l'heure, de Laurie Anderson, de Dimitri de Perrault et de Tammy Ichino, toujours présents ici. Et puis, je me permets de vous lire la présentation du partage d'écoute de Madeleine Leclerc, hein, vu qu'on va l'écouter dans quelques instants pour vous faire envie et puis pour vous informer. Donc, le texte dit « L'enregistrement de terrain constitue pour l'ethnomusicologie un moyen important de collecte sonore. Mais le micro ne capte pas que la source souhaitée et, presque de manière objective, se retrouve sur la bande tous les à côté. Loin d'être dérangeant, ils expriment quelque chose d'intimement lié à la musique. Cette session nous fait comprendre qu'ils ont également leur vie propre. » Voilà. Et puis, si vous avez aimé la discussion de ce matin avec Vincent de Reguin à propos de Kostin Mirianou, on vous rappelle que sa pièce, qui n'est pas donc Finistère, mais... Phase B, non ? Voilà, la phase B qui s'appelait... Terre de feu. Terre de feu, voilà, sera diffusée donc vendredi soir par Vincent de Reguin et ce sera au Salon d'écoute en miroir d'une pièce de Sam Dunscombe qui sera présente aussi. Voilà. On a tout dit, on a lu tout le programme, on ne sait plus quoi faire. On n'a plus de salive, mais on a encore de la suze et des fraises. Donc si vous voulez venir boire l'apéro avec nous, c'est le moment. Ah pardon, attends. Vas-y. Pour savoir, aujourd'hui, t'as un workshop, un atelier, comment ça structure tes activités à nous de la maison communale de Plainpalais? Alors, le week-end, je suis là vraiment, je pense vraiment midi, je suis vraiment là. La semaine, comme il y a un peu moins de monde, des fois, je me balade un peu. Donc tu sors à faire ce genre d'enregistrement? Ouais, par exemple. Je vais enregistrer des trucs, je vais faire une sieste, je vais bricoler aller chercher des trucs. Enfin, ouais, mais je suis toujours un peu là. Il faut un peu m'attraper. Et est-ce que t'as construit des trucs pendant ces jours que t'as pu être là ou ce micro, ouais. Par exemple, en terre, est-ce qu'il vient de cet atelier ou... Ouais, ça vient de cet atelier, mais j'en ai fait un autre, je voulais en parler, mais j'ai pas le temps, mais je me suis intéressé au micro hypercardioïde et au tube d'interférence. En fait, j'essaie de recréer en terre un micro canon, quoi. Et il y a tout un phénomène physique à l'intérieur avec ouais, tout à fait, un tube avec les petites fentes sur les côtés. Alors j'ai pas réussi à faire les fentes, j'ai fait des trous. Et je vais essayer, parce que là il était mou hier, là il doit être sec, je vais essayer tout à l'heure de voir si j'arrive à faire un micro directionnel. Donc tu as fait un micro super directionnel en terre cuite, c'est ouais. Ça non, ouais. Et, en terre cuite? Alors non, pas non, cuite non, tout non, de suite. Il n'est pas encore cuite, oui, mais ouais, en terre, à cuire potentiellement. Mais... Ouais, cuire, le truc c'est que j'ai, en fait je voulais aller faire une cuisson hier, et finalement j'ai pas fait, parce que comme c'était pas assez sec, j'ai peur que tout explose, et si tout explose, j'ai plus rien, c'est nul. Et tu me parlais hier aussi de l'idée de peut-être de mettre un micro au four et de pouvoir enregistrer pendant une cuisson. Alors ça c'est je crois le fantasme de Rudy et d'Antoine aussi. Enfin c'est eux qui m'en ont parlé. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit mais en fait le problème, je sais pas si ça marche, mais j'ai peut-être une solution mais je suis pas sûr, et ce sera une solution d'une qualité qui sera pas forcément ouf. Mais le problème c'est qu'un micro, bah effectivement il y a des parties en plastique ou quoi, des membranes qui se détériorent à la chaleur. Il y a aussi les aimants qui perdent leur magnétisme à partir d'une certaine chaleur. Petites pièces qui peuvent fondre, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas peut-être un microphone, les anciens au charbon. Et je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un mec qui arrive à faire ça avec des mines de crayon, donc une sorte de microphone au graphite. Et je me dis, mais ça doit tenir au four, le graphite. Faut essayer. Bon, maintenant l'intérêt c'est aussi qu'il y a le bruit de la détérioration. Comment on dit ce mot? La détérioration. Exactement. Ouais. Ça risque de plus sonner grand chose assez vite. Malheureusement, bah, c'est ça. Je sais pas. Faut essayer. Mais après, je me suis dit, ah, mais je pourrais. Du coup, moi, faire pour mes microphones en terre, faire des trucs en graphite et puis vraiment. Mais un microphone au charbon, c'est presque finalement enregistrer le feu par son combustible. Enfin, il y a un truc assez incroyable. Ouais. C'est le charbon actif, c'est les premiers modèles de microphones. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le premier type de microphone, c'est le charbon actif qui est compressé, puis crée une sorte de mini signal. Nettoncelle. Mini voltage, quoi, qu'il faut réamplifier. Donc il y a beaucoup de souffle, c'est très médium, ça craque un peu. Sinon, ça se consomme aussi, non? Il y a de l'oxydation dans ce passage d'électricité. C'est pas des micros éternels. En fait, je sais pas, mais c'est. Bah, disons que ouais, c'est vrai que le charbon actif, après, il se désactive, je crois. Peut-être faut changer le charbon. En fait, ça, je sais pas assez. J'ai pas assez creusé. Mais c'était le micro d'Hitler. Enfin, c'est vrai parce que je dis, mais c'était Hitler était un des premières personnes à utiliser vraiment le système de micro, diffusion de manière politique. Lui, il avait ces espèces de micros comme ça, ronds, flottants sur des trucs qui étaient très gros, parce que je pense qu'il devait mettre beaucoup de... C'était pour avoir un voltage suffisant, c'était des micros charbon. Ouais. C'est le micro de téléphone, le vieux téléphone, c'est les micros charbon de Nokia. Voilà. Il y a ce son très... très de téléphone. On pourrait mettre un téléphone au four directement, alors. Ouais. Passer des appels. Faut essayer. Alors, le problème, c'est qu'ils mettent des membranes en plastique un peu. Donc, il faudrait changer ça. Il faudrait mettre peut-être en aluminium, trouver un truc. C'était peut-être un premier projet de smartphone, de combiner un téléphone avec un four. En tout cas, c'est intéressant. On a commencé un petit peu cette émission avec des considérations techniques sur les softwares et puis on finit sur le hardware. Ah, oui. Enfin, on est un peu constamment dans un forum Reddit. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy Chevalier. Ça nous a permis d'aller de façon douce jusqu'au partage d'écoute de Madeleine Leclerc, qui est prêt. Tout le monde est prêt en haut. Et donc, à demain. À demain. À demain. À demain. À demain.